théâtre sur Fadjet avec Julia et Rodolphe. Et bonjour à tous, bienvenue sur Fadjet 94.2 et bienvenue à notre nouvelle émission qui s'appelle Coup de théâtre. Je suis Julia, la co-présentatrice de cette émission et je suis accompagnée de Rodolphe. Salut Rodolphe, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour Julia et bonjour à tous. Et dans cette émission, nous serons toujours tous les deux. Est-ce que tu peux nous présenter le principe de l'émission, s'il te plaît ? Eh bien, Coup de théâtre, c'est une émission où on parle d'impro, où on fait de l'impro et où on rigole, bien sûr, avec à chaque fois un ou une invitée, improvisateur ou improvisatrice ou humoriste, que nous allons essayer de mieux connaître en tant que comédien, comédienne, mais aussi de personne. On va donc jouer avec lui ou elle, lui poser des questions et évoquer bien évidemment son actu et celle de l'impro et de l'humour sur Nancy. Et aujourd'hui, notre invité, c'est... Tristan! On l'a dit à trois, c'était beau! Ah ouais! Bonjour tout le monde! Bonjour Julia, bonjour Rodolphe! Ça va bien? Ah bah ouais, et toi? Tu t'autonomes! Genre, je suis là! Bah, je me suis dit, tiens, ces moments-là où je dis mon prénom, j'avais tellement hâte de dire bonjour! Et puis, c'est bien! C'est pas encore mon moment? C'est bien de s'auto-présenter ou pas? Ah ça ouais, fait, ouais! Ça fait quoi? J'aimerais bien puis, un jour. Puis là, attends, oui, puis être invité à une émission pour parler de soi, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. Si, tu l'espérais quand même. Ah non! Ça y est. Plus des plateaux de télé. Ah oui, mais une radio associative, moins, quoi, oui, tu vois. Ah oui, oui. Plus des télé américaines, mais pas mais ici. Donc là, je me rôde, tu vois, aujourd'hui. Hein, vous m'excusez si je suis pas au top. On repassera des extraits de cette émission dans des bêtisiers dans 20 ans, quand ah ouais. On sera une star planète. Ah ouais, j'adorerais. Tu garderas ton nom, Tristan Mangeau ouais. Ou... Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Parfait. Il faut assumer son nom. Tu l'aimes bien, dans ton prénom, tu l'aimes bien, Tristan? Ah, au début, je l'aimais pas quand j'étais gamin, parce que personne ne savait le prononcer. C'était Christian, c'était Tristan. Ah ouais bah, tu sais, la maternelle, il n'y en a pas un qui savait ah prononcer oui, non, Tristan. Oui. Quoi. Et donc, ça, j'en voulais un peu à mes parents. Mais après, professionnellement, c'était top. Parce que, comme j'ai fait 20 ans dans la finance et que j'étais commercial, je ne disais même pas mon nom. Et oui, Tristan. Ouais. Mais il n'y en avait qu'un seul de Tristan. Ah ouais, ouais. Et voilà, donc c'était un gros avantage. J'ai eu la même chose, moi. Personne ne savait prononcer mon nom. Et les enfants, encore, ils ne savent pas. Alors, comment ils disaient, toi ? Rodolphe. Ah ouais, c'est vrai beaucoup, ouais. Non, pour de vrai ? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Et j'ai pas fait 20 ans dans la finance, mais pareil, Rodolphe, on se souvient de moi, quoi. Oui, il n'y en a qu'un. Ouais, ouais, il n'y en a qu'un. Ah, oui. Il y a Hitler et puis il y a toi. Ah bah non, c'était Adolphe. Oh mon Dieu. Eh bien, merci pour cet accueil très dynamique. On peut démarrer la présentation. Ah ouais, j'adore la présentation. Coup de théâtre sur Fadjet, le portrait de l'invité. Ce que vous ne voyez pas à la radio, parce que forcément c'est de la radio, c'est que tous les deux ils disent mais c'est à toi, mais c'est à toi, mais non, c'est à toi, mais c'est à toi. Mais c'est bien que tu ne nous balances pas, nous en fait. C'est le portrait, ouais, je vais te donner des. On va faire une espèce de portrait chinois, Tristan, je vais te donner des mots et tu me dis. Enfin, je vais te. Ouais, du tac au tac, quoi. Ah, ok. Par exemple, si tu étais un lieu. Le Frédéric Bad. Voilà, démerde-toi avec ça. Ok, ok. Si tu étais une... Friedrich Bad, non, je vais quand même dire, c'est les termes historiques à Baden-Baden. C'est des termes où tu vas les mains dans les poches parce que t'es à poil. À poil. Dedans. Voilà. Bah, t'as pas de poche. Ouais, non, mais les mains où tu veux d'ailleurs. T'as pas besoin de prendre de serviette ni de maillot de bain, quoi, c'est ça que je veux dire. Une catégorie d'impro. Allez, de plus en plus, je pense que je vais aller sur du long forme. Voilà. D'accord. Si tu étais un méchant de fiction ou dans la vraie vie. Je ne sais pas qui sont les méchants dans la vraie vie. Il nous nomme une vraie personne. Oh mince. Ah oui, un méchant que j'aimerais incarner, c'est ça? Que t'aimerais incarner ou ouais, tu admires, qui te fascine, qui. Ah, que j'admire, un méchant que j'admire. Bah, ça peut être, oui, wow. on peut admirer Cruella, par exemple. Hein. Ah bon? Je ne sais même pas qui c'est. Tu vois. C'est dans les 100 dalmatiens. D'accord, ok. Waouh. Ou que tu aimerais incarner sur le grand écran? Oh, sûrement Staline. C'est vraiment un des pires pour moi. Ouais. Une boisson. Si tu étais une boisson. Une tisane. Ouais. Très bien. Si tu étais un spectacle. Un spectacle, ça serait un seul en scène. Et c'est d'actualité, non? Pas encore. Pour l'instant, je m'essaye. Pas encore sur un long format. Au stand-up. Mais non, mais c'est mon objectif en 2024. D'avoir mon spectacle. Super. Tu nous en parleras. Et si tu étais une insulte, un gros mot, une méchanceté. Ta mère la pute? Ok, on passe vite. Enfin, c'est un combo. Excuse-moi, c'est pas ta mère la pute, c'est sa mère la pute, pardon. Ah ouais. Ah, c'était pas moi, j'étais pas visé directement. Ah bah non. Bonjour pas... maman. Mais du coup, la personne, elle l'entend quand tu le dis sa mère la pute, du coup, il se sent pas concerné. Mais non, mais généralement, c'est quand je bricole que je m'énerve. Ah oui, comme tu pourrais dire merde. Donc, c'est pas à une personne que je m'adresse. C'est plutôt au monde entier. Non, palpable, ouais, c'est ça. Voilà. Non, mais et je m'énerve. Et quand tu conduis, tu t'énerves pas? Tu n'es pas comme le commun, c'est des mortels Ça m'arrivait avant, mes enfants se foutent de ma gueule maintenant. Mais ouais, les bouchons, c'était insupportable. Maintenant, j'ai vieilli. Les 50 ans arrivent dans 3 mois. Donc t'es calmé ? 4 mois. Et ouais. Ah, ok. Ouais, je sais pas si c'est bien. Mais par contre, le bricolage, non. Ouais. Là, c'est pour ça que j'ai arrêté le bricolage. Et du coup, il n'y a rien chez lui qui fonctionne. Ouais. Si tu étais un thème d'impro. Silence. J'aime bien quand on parle pas et qu'il y a tellement de choses à dire sans parler. Ouais, t'es tellement expressif avec le visage que tu arrives à faire des personnages et passer des émotions sans... Tu es l'un des seuls, je trouve, à réussir à transmettre des choses sans trop parler, juste avec ta bonhomie faciale. Ah bah j'ai une bonhomie en plus, d'accord, ok. Ouais. Ok, bon, merci, je prends. Petite musique romantique derrière, en plus, je vais y aller moi. J'adore. Un moment de la vie, de l'année ou de la journée. Quand le soleil se lève. Ah, le matin. Ouais, lever de soleil, tiens, lever de soleil. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'en avoir un de soleil. Ouais, ouais. Enfin, dis pas ça parce que c'est enregistré. On sait pas quand ça va sortir. Ouais, ok, voilà. Peut-être vous l'écouterez sous la pluie, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a eu du soleil. Voilà. Un mime, une manipulation que tu aimes bien. Couper du saucisson. Ah, couper du saucisson, oui. Couper du saucisson, oui. Oui, Tristan démarre toutes les scènes. Alors, attention, non, il y a couper du saucisson ou échanger une ampoule. Ok. Il y a aussi ça sur l'exercice, le freeze, je commence toujours par changer une ampoule. Mais t'allais dire autre chose. Ouais, ben, non, ça aurait été facial, fait, avec le. Mais je sais pas lequel. Mais oui, non, mais couper du saucisson. Ouais, ouais. Et si tu étais pour terminer un improvisateur ou une improvisatrice ou quelqu'un que tu admires, quoi. Julien Malécosson. De Impro Alsace. Voilà. On lui passe le bonjour s'il nous écoute. Bah ouais. Super. Merci beaucoup. Oh, mais c'est moi. Souvenir. C'est la voix de qui ? Ça fait peur. C'est qui a dit ça ? C'est notre cher Gaylon, évidemment. C'est Gaylon. C'est Gaylon qui fait tous les jingles, on le remercie d'ailleurs. Yes. Ah ouais. Cette chronique, il s'agit pour toi, s'il te plaît, de nous raconter l'un de tes meilleurs souvenirs sur scène. Putain, c'est que je l'ai pas révisé, tu m'as dit. En impro, en stand-up, ou sur un tournage, parce que tu fais aussi également beaucoup de tournages, mais à un moment où vraiment tu t'es dit, ah, je suis au bon endroit. Ok, tout alors, était oui. Vraiment alors cool. Si, oui, tournage. Parce que je me suis mis sur le tard sur les tournages, j'ai vraiment commencé il y a 3 ans, enfin avec le Covid, quoi. Voilà. Et j'ai été silhouette sur. Alors, silhouette, pour expliquer aux gens qui ne savent pas, c'est. T'as figurant ou t'es le mec qui passe au fond de l'écran en poussant un caddie. Silhouette, c'est celui qui passe, qui interfère avec les acteurs principaux. L'hôte de caisse, par exemple, si on regarde l'exemple du supermarché. Celui qui passe les articles. Donc, il interfère quand même dans l'action parce que le personnage principal, c'est lui qui met les articles sur le. Qui peut éventuellement dire bonjour. Alors là, c'est une silhouette parlante. Effectivement, ouais, ouais. Ah ouais. Et j'arrive sur le tournage, c'était au Luxembourg. Et donc, c'est marrant parce que ça représentait un hall d'aéroport. Et puis en haut, là, sur une sorte de passerelle, il y a le réalisateur et puis son assistant réalisateur. Et puis tu vois qu'il fait son marché et on est tous les figurants et les silhouettes en bas, quoi. Et il me pointe du doigt et il dit viens, monte. Donc, alors je sais pas s'ils se rappelaient que c'était moi qui était prévu ou s'ils se sont dit tiens lui il a la gueule de l'emploi. Et puis je me retrouve avec une scène avec André Dussolier. Et j'ai passé une demi-journée avec André Dussolier. Et en plus j'étais l'adjoint de l'ambassadeur. Et on recevait André Dussolier avec une actrice, je sais plus. Et l'adjoint de l'ambassadeur, il se plantait à chaque prise. Ce qui fait que ça durait énormément de temps. Moi, j'étais content. Tu kiffais, ouais. Voilà. En plus, je drivais le mec qui se plantait, alors que j'étais un trou du cul. Et même à un moment donné, bon, André qui me dit, ouais, c'est quoi ton prénom, etc. Et puis, c'était un très bon moment. Et juste le truc, c'est que l'adjoint me dit à la fin de la journée, mais tu sais que normalement, la suite de cette scène, on la tourne au Maroc. Donc, normalement, tu devrais être dessus. Et puis à la fin de la journée, il y a le réal qui vient me voir, il me dit bravo, merci. Et je lui dis au fait, j'explique quoi. Il me dit ouais, je sais, mais bon, la prod, à mon avis, ça sera mort quoi. Au cas où, j'ai quand même fait un mail à la prod, mais non, c'est... j'ai pas eu de suite. Ah. Voilà. Mais c'est... franchement, c'était... Bah, c'est cool, ils t'ont remis en image de synthèse au Maroc ça, peut-être, ouais. C'est le début de l'intelligence artificielle avec moi. Est-ce que tu sais si le film est sorti déjà et je l'ai même pas pu le voir parce que c'était pour la télé suisse romande. Ah. Et donc, le mec qui jouait le rôle d'ambassadeur, j'ai sympathisé avec lui. Il habite Genève, c'est un Français. Et lui, il l'a vu, il devait m'envoyer, mais j'ai jamais envoyé. Donc, je me suis pas vu. Peut-être qu'un jour, cette série passera en France. Je sais pas. C'est une série. Tu connais le nom? Il y a Crise dedans. D'accord. C'est, je sais plus. On dira. Cellule de crise. Cellule de crise. Très bien. Et ben, et à l'inverse, donc le pire moment que tu as vécu sur scène, sur un tournage. J'ai vécu avec toi. C'était à Radio Campus. Ah oui. Allez, on balance les radios. Hein. Je l'ai vécu avec toi parce que je te déteste. Non. T'étais là toi aussi. Oui. Si ce à quoi je pense, je crois que j'étais là. Ah ouais. Et sans doute aussi. On pouvait pas jouer sur la scène parce qu'il y avait des instruments de musique. Voilà, c'est ça. Donc okay. On remet le concept. C'était les 10 ans de Radio Campus, c'était ça. C'était un anniversaire. Oui, ouais. Voilà, dans leur grande salle où il y a un bar et il y a une scène. Il doit y avoir plein de concerts et entre deux concerts, il y a nous. Et nous, déjà, on peut pas jouer sur scène parce que la scène est remplie d'instruments, on peut pas bouger les instruments. Donc, on joue avec les gens, sauf que les gens sont tous au bar. Personne ne nous a calculé. C'était horrible. Personne ne nous a calculé. Les deux personnes qui étaient venues nous voir, nous, dont ma femme, nous écoutaient, les autres. S'ils pouvaient nous entendre, ils parlaient. Ils nous entendaient pas, ils nous parlaient. Enfin, les gens étaient au bar tous et ils parlaient. On s'entendait pas, on nous entendait pas, c'était horrible. J'y repense souvent, on était assez novices. Dans l'impro, donc on n'a pas trop osé peut-être. Si ça se représentait, je pense que je réagirais différemment ou j'essaierais vraiment de rassembler les gens. Déjà, je le ferais pas. Moi aussi, c'est un de mes pires souvenirs. Oui. Ouais. Peut-être qu'on dirait stop, tout simplement. Les gens n'ont pas envie, c'est pas gênant. Oui, bien sûr, voilà, ouais. Ah ouais. Ouais. Mais ça, c'était. C'est formateur. Tout à fait. Et puis, ça fait des bons souvenirs à raconter à la radio. Merci. Et quand on vit d'autres moments, on se dit. C'est moins pire que Radio Campus. Tu vois, c'est notre norme. Ouais, c'est ça. C'est la norme. C'est ça. C'est vrai que nous aussi, c'est notre pire souvenir, parce que souvent, effectivement, on étalonne par rapport à ça quand on a d'autres moments un petit peu gênants. Ben voilà. Puis je me suis dit, allez, je partage ce moment-là, parce que vous l'avez vécu aussi. Je me rappelle plus que tu étais là, tu vois. Je me souviens plus exactement qui était là, mais effectivement, mauvais souvenir partagé ensemble. Formidable. On va faire une première pause musicale et ce sont tes choix. Donc je propose qu'on mette une petite minute cette chanson et tu nous expliques ensuite pourquoi tu es attaché à cette musique, qu'est-ce qu'elle te raconte. C'est ça. Weißt du noch, als wir am Meer waren, Baby? Wie lang ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und das Meersalz hat so geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war. Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar. Ich vermisse dich, vermisse ohne Schwerkraft mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen. Guck mir zu, ich füll ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbus und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteig. Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Wie kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist. Ich will nicht mehr wissen, wie es war. Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars und ich merke, dass ich ohne dich allein bin. Merci pour cette proposition. Est-ce que tu peux nous présenter cet artiste? Ja, das ist Jojo de von Fermissen. Alors en français, si tu peux aussi. Mit Enigme. C'est Jojo, c'est une chanteuse très connue en Allemagne. Et Enigme, la voix du mec, j'adore. Et c'est marrant parce qu'il a la voix, on dirait Garou, quoi, tu vois. Il a la voix vraiment cassée, on dirait qu'il a un cancer de la gorge. Il a 25 ans, le bonhomme. Ah oui? Ouais. Mais j'adore cette voix. Et pourquoi ce titre-là? Parce que je me suis dit, je vais souvent en Allemagne, j'aime bien découvrir énormément de choses de l'Allemagne. Et du coup, là, alors, si vous avez capté, hein, parce que toi, à l'époque, tu n'avais pas capté que c'est de l'allemand, là, cette. Ah oui, j'ai écouté les 10 premières secondes et je pensais que c'était de l'espagnol. Voilà. D'accord. C'est Rourou. Non, c'est Youyou. En écoutant, t'as cru que c'était de l'espagnol. En fait, il a mis au milieu de la musique, d'accord, j'ai juste entendu genre d'accord, deux phrases et voilà. Et voilà. Désolé. Ah, mais ne sois pas désolé. Et donc, ouais, comme je vais souvent en Allemagne, genre une fois tous les trimestres, pour passer le week-end, là, je vais y aller avec les marchés de Noël, forcément. Aller chez les tout nus. Aller chez les tout nus à Baden-Baden, au Friedrichbad, par exemple, où, voilà, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Enfin, il y a plein de choses, il y a des choses que je déteste chez les Allemands, mais j'aime beaucoup aller là-bas. C'est pas cher, c'est pas loin, ils font tout le temps la fête. Et t'as découvert ce titre là-bas par hasard ? Je l'ai découvert quand je faisais la matinale de Fadjet et que j'avais comme thématique, allez, à la fin de l'émission, je mets une chanson européenne qu'on ne connaît pas. Okay. Et donc je faisais le tour des pays comme ça. Cool. Voilà. Et je suis tombé sur, donc je regardais le top 50, tu sais, sur Spotify ou Deezer, mm-hmm, t'as le top 50 de chaque pays. Et il y avait Fermissen. Okay. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson-là, donc je me suis dit, tiens, allez, voilà. Eh ben merci beaucoup pour cette proposition. On sera moins bête cette nuit. On continue. 3, 2, 1, impro. Ça sent l'impro cette histoire. Ouais, on va te demander d'improviser, mais d'improviser seul. Allez. Est-ce que tu participais à l'époque à la légendaire émission Impro Station animé par Steve, ouais, ben c'est un peu la même chose, sauf que tu vas le faire tout seul. Okay. Je te donne un mot, tu nous fais une petite impro qu'on arrête, que tu arrêtes ou qu'on arrête quand on a envie. Allez. Je vais te donner le mot pâte à sel. C'est parti. 3, 2, 1, impro. Alors pour l'instant, les enfants, vous touchez pas. Vous regardez. Ça ne se. Non. Non, non, Rodolphe, ça ne se mange pas. Mmh. Oui, non, mais non. Vous allez pouvoir construire, développer, saisir votre imaginaire pour faire des motifs, ce que vous voulez. D'accord, les enfants ? Ouais. Voilà. Quand vous avez fini, vous me rapportez sur l'assiette que vous avez vue. J'ai mis la pâte sur une assiette. Et ben vous ramenez l'assiette et puis on laissera sécher. Hein, et... Rodolphe. Rodolphe, mais c'est beau ce que tu fais, Rodolphe. Mais c'est quoi ? Un château. Il est beau ton château d'ivoire. Et tu vas l'offrir à qui? Parce que là c'est pour Noël, mais c'est le Noël de qui? Je vais l'offrir à ma maîtresse parce que je suis amoureux d'elle. C'est vrai, tu vas me l'offrir? Oui. Oh, mais c'est gentil ça, Rodolphe. Mais il n'y aura plus rien pour tes parents. C'est pas grave, je le prends. J'ai plus de parents. D'accord. Quelle angoisse. T'es fin de l'impro. Merci. Très bien, c'est à mon tour de te proposer un mot. Allez. Ah oui, d'accord, ça continue. Je vais te dire tectonique. Je crois que c'est la première fois que je viens vous voir pour ça. Je pense que ça vient du ventre. Ah oui, ok, d'accord. Je donne d'abord ma carte vitale. Je pense que ça vient du ventre et je suis ballonné comme en tectonique, si vous préférez. Non, plus à gauche. Voilà, ouais, c'est là. Vous le sentez, la tectonique? Ouais, mais c'est pas... Si, c'est normal? Ah bon, d'accord. Mais ça vient de quoi? De l'aliment... Ah d'accord, c'est vraiment par rapport à ce que je mange. Ok, et si je continue, enfin je veux dire, si je vais technoctiquer complètement, c'est ça? D'accord. Bon, merci docteur, merci. Bravo, on l'applaudit, bravo. Sans faire de bruit. Hein, si, sans faire de bruit. Ouais, bravo, ouais. Je m'applaudis, ouais. Moi aussi. Merci beaucoup, oh, Tristan. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'était quoi, ça, la musique de quoi, déjà, ça? C'est un Nokia 3310, non? C'est vrai? Non, je sais pas, je trouve que ça ressemble beaucoup aux anciennes... Non, mais oui, c'est un truc de... Moi, je sais pas pourquoi j'étais sur le truc... La musique de GSM, quoi, de téléphone portable. Mais oui, c'est ça, ouais. De mobile. Mais tel que le bruit, c'est, on dirait que c'est la moulinette qu'on fait manuellement, tu sais, les petits orgues... Enfin, bref. Eh bien, cette chronique, il va s'agir pour nous de lire le dernier SMS reçu. Alors, soit sur WhatsApp, Messenger, peu importe, voilà. Tu nous lis juste le SMS, Rodolphe aussi, toi aussi, moi aussi. Ah d'accord. Et pour les deux autres, il s'agit d'expliquer le contexte, de comprendre ce qu'il y avait. Alors si le tout dernier est vraiment inintéressant, on t'autorise à prendre quelque chose d'autre. L'idée, c'est d'essayer de trouver le contexte de ce SMS. Ok. Alors, attends. Sans nous dire à qui te l'a envoyé et la réponse et tout ça. Alors, je lis la réponse que m'a fait la personne. Hein. Ok. C'est ça, hein? Ouais. Ok, d'accord. T'inquiète, Tristan, je t'appelle demain. Ok, alors, pour moi, t'as besoin de partir en vacances parce que là, tu travailles beaucoup. Et t'as fait appel à un copain, peut-être qui bosse dans une agence de voyage ou je sais pas quoi. Tu lui as expliqué tes projets, mais très, très, très chelou. Des trucs de naturiste, d'échangiste, de choses comme ça. Et le mec est en panique, il te dit « Ouais, mais t'inquiète, je t'appelle demain. » Okay. Voilà. Ah non, c'est pas du tout ça, en fait. Il a pas fait l'accent, mais c'est un accent américain. C'est Steven Spielberg. On n'est pas loin. Hein. Qui t'appelait tout à l'heure, au début de l'émission. D'ailleurs, on était là, donc on sait, en fait. Il t'a appelé tout à l'heure, et puis en fait, tu lui as dit « Attends, je suis à Fadjet. » Il a dit « Ouh là là !» Et donc, il t'a renvoyé un message après pour s'excuser. T'inquiète, Tristan, jamais plus je dérangerai l'émission de Fadjet. Voilà. Je t'appelle demain. Okay. Je t'appelle demain. Tomorrow. Okay. I call you tomorrow. Ouh là. Il faut que je dise pour de vrai, là, ou pas? Tu peux. Ouais, comme tu veux. D'accord. T'es pas loin, hein, mais en fait, il y a 3 mois de ça, j'avais été pris pour un petit rôle dans un téléfilm France 2 qui s'appelle Face à Face. Et puis, une semaine avant le tournage, le mec de la prod m'appelle. Bon, ta scène est coupée. Oh. Voilà, j'ai fait ça. Mais il m'a dit, mais t'inquiète, je rappelle le Dearcast et puis on voit pour d'autres épisodes. Et avant-hier, j'apprends que il y a un nouvel épisode qui va se tourner là à Strasbourg. Donc, j'appelle le Dearcast de Strasbourg. Forcé. En lui disant, au fait, je sais pas si le mec de la prod t'avait dit à l'époque. Mm-hmm. Voilà. Et là, il me dit, t'inquiète, Tristan, je t'appelle demain. Ok. Sauf que ça, c'était avant-hier. D'accord. Ah mince. Voilà. Je vais dire, c'est positif comme message dans ce contexte. Ouais, mais bon, après Manu, c'est un bon gars et je pense qu'il rappellera, mais voilà, c'était ça. Et Dearcast, pour nos auditeurs, c'est le directeur de casting, c'est lui qui gère les. Voilà, les, c'est ça, les acteurs. Pardon. Moi, j'ai une proposition. Alors, le dernier vraiment reçu, c'est Rodolphe qui m'explique qu'il galère à se garer, donc ça, c'est pas très intéressant. Non, c'est pas ce matin, quelqu'un m'envoie je vais voir avec elle, mais elle voulait aller au marché. C'est tes parents, ça. C'est ton père qui devait assister à l'émission ce matin. Enfin, t'avais demandé à ta mère de venir parce que quand même, je suis là et elle est fan de moi. Oui. Et ton père, c'est le seul qui a décroché et il te dit, je vais voir avec elle, parce que là, elle est au marché. Quoi. Ok, c'est pas mal, hein. T'as une proposition. J'ai une proposition. C'est ta mère, en fait. C'est ta mère qui voulait absolument que ce soit Audrey, parce qu'elle est fan d'Audrey. Et donc, c'est toi qui lui dis, je vois avec elle, mais elle voulait aller au marché. Enfin, Audrey allait au marché ce matin, elle ne pouvait pas faire l'émission, c'est pour ça qu'on a demandé en dernière seconde à Tristan, on l'a appelé ce matin à 8h. Ouais. J'ai rien compris. Moi non plus, je n'ai rien compris ce que j'ai dit. La vérité, c'est que ma nièce est malade ce matin, et ma sœur envoie un message à ma mère et moi en disant, est-ce que quelqu'un est dispo pour la garder? Et je lui dis, vois avec maman, et elle me dit, je veux voir avec elle, mais je crois qu'elle voulait aller au marché. C'est pas hyper fun. Non, c'est pas fun. Non. Mais j'espère qu'elle ira mieux. Oui, pas ta mère, mais la... La petite, ouais. Rodolphe, t'as un message? Le tout dernier message que j'ai reçu, c'est « il y a devant le parc ». Il y a devant le parc. D'accord. Ouais. En fait, il te manquait des pattes, parce que t'avais du monde hier soir. Et... C'est quand que tu l'as reçu, pardon? Ce matin. Ce matin, ouais. Tu, c'est ce midi que tu reçois du monde chez toi et tu pensais faire plein de spaghettis. Et donc, tu as appelé ta femme en disant chérie, j'ai regardé le placard, j'ai pas assez de spaghettis. Et elle vient de te répondre il y a devant le parc. Ok. Voilà. Moi, je pense que tu es un dealer. et ce matin, tu es vraiment, vraiment, vraiment en manque. Donc, tu as envoyé un message peut-être à un dealer que tu connais qui te dit. Ouais, il y en a devant le parc. Et là, du coup, tu vas, aussitôt l'émission finie, paf, tu vas aller devant le parc, on sait pas lequel, pour choper de la C. Parce que t'avais comme ça. Vous me voyez une vie passionnante, pas du tout. Je voulais me garer devant Fadjet. C'est un message de Julia qui me dit qu'il y a de la place devant le parc. Mais c'est ça que t'appelles le parc? Comme elle ne fait pas de phrases. Le petit parking là? Non, mais à gauche, ah oui, parc, d'accord, ok. Comme elle ne fait pas vraiment de phrases, mais il y a devant le parc. J'étais pressée. Très bien. Je vous propose une deuxième pause musicale. Mais non. Oui. Merci pour cette proposition. Est-ce que tu peux à nouveau présenter cet artiste, s'il te plaît ? Sirius de Alan Parsons. C'est une chanson que tout le monde connaît. Ah oui. Tu la connais ? Oui. Bon, vous la connaissez vous aussi parce que je l'utilise quand je fais maître de cérémonie à un prodiac. Et peut-être que vous êtes dit que c'est par rapport à ça que je prenais cette chanson-là. On n'est pas le genre à réfléchir, tu sais. D'accord, ok. Et c'est pas par rapport à ça, c'est que j'ai fait du... Sinon, ça vous parle ou pas, cette chanson-là ? Bien sûr, ouais. Ouais, mais dans quel contexte ? Ah non. Non, tu l'as pas ? Moi, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à l'entrée des joueurs de la SNL. Ah ! C'est marrant parce que c'est l'entrée de la SNL, c'est pas ça, c'est musique de John Miles. Ouais. Tu trouves pas que la rythmique est un peu pareille ? Eh ben, c'est l'entrée des joueurs des Chicago Bulls dans les années 90. Celle-là ? Avec Jordan, Pippen, avec Horace Grant. Ouais, ouais, okay. Oui. Bah, Chicago Bulls, SNL. C'est vrai, c'est vrai. Même combat. Il y a quelques milliers de kilomètres d'écart. Et en fait, j'ai joué à peu près, je sais pas, 25 ans, 30 ans au basket. Et... J'ai cru qu'il allait me dire aux Bulls. J'ai joué 25 ans aux Bulls. Ouais, non. C'est là que tu découvres. Le petit Michael, je l'ai. Le gars, il a deux carrières. Tu m'étonnes. Et c'était l'époque, parce que j'avais 20 ans, moi, l'époque de Michael Jordan, où je regardais les matchs, les finales. Pour ceux qui ne sont pas avertis au basket américain, il y a les playoffs en fin de saison avec quart de finale, demi-finale et finale. Et ils mettaient le stade de Chicago dans le noir. Il y avait un putain de speaker qui avait une voix de malade. Il y avait juste une lampe blanche qui balayait tout le stade comme ça, et après qui se fixait sur l'entrée du 5 majeur. Et donc il gueulait. Alors déjà voilà, le public, voilà. Il y avait sur les écrans géants au-dessus du stade, du parquet, pardon, t'avais des animations. Bon, animations des années 90, hein, elles ont bien vieilli, hein, elles ont mal vieilli, pardon. Et tu avais l'entrée des 5 joueurs du 5 majeur, représentation de Phil Jackson, qui est l'emblématique entraîneur des Chicago Bulls. Et donc, je me suis dit, tiens, comme j'ai fait beaucoup de basket et que ça, je le faisais, et qu'il y a cette chanson-là qui marque ça, c'est pour ça ce choix de chanson, quoi. Cool, merci. Ce qui est incroyable avec Tristan, c'est qu'il nous raconte une belle histoire sur tout et n'importe quoi. C'est ça. Voilà. J'adore. Merci Tristan, on a bien fait, on avait fait de t'inviter, vraiment. Merci beaucoup. Réseaux sociaux. Ah, ça change de Sirius, hein. Réseaux sociaux. Le titre est dedans. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Le jingle est très très court. On aimerait savoir en fait comment tu es, toi, vis-à-vis des réseaux sociaux. Est-ce que tu es un gros consommateur des réseaux sociaux, personnellement, professionnellement, ou est-ce qu'au contraire, tu essaies de les éviter ? Non. Ben non, parce que comme en fait je me suis mis sur le tard sur l'acting par exemple, et puis on a un duo avec Jola Jeanne, alors là c'est pas de l'impro, mais c'est notre spectacle qui s'appelle Les Tentants et qu'on essaie de faire vivre. Ben c'est un métier en fait pour moi, les réseaux sociaux, c'est aussi dilettante, hein, mais c'est un métier. Donc il faut être vu. Et il faut que je m'habitue à ce putain d'Instagram. J'ai du mal avec Instagram. J'aime pas Instagram. C'est pas notre âge. C'est pas notre génération. C'est pas pour moi. Je suis boomer et j'ai vraiment du mal avec Instagram. Et il faut que j'y sois parce que les jeunes sont là. Surtout si je veux faire du stand-up. Et tes enfants, ils peuvent pas un peu t'aiguiller? Ah, ils m'aident. Ouais. Ah, si, ils m'aident. C'est eux qui m'ont lié le compte Instagram avec le compte Facebook des Tentants, par exemple. Si. J'adore. Alors que TikTok, ça va. J'ai encore des choses à apprendre sur TikTok. Hein. Sur TikTok aussi. Les Tentants, ouais, sont sur TikTok. Tu vois, par exemple, pendant le Covid, on n'avait pas encore créé notre spectacle, des Tentants, mais on savait qu'on allait le faire. Et donc, on s'est dit, on va prendre du temps, on va faire quelques vidéos pour déjà faire parler de nous. Et on pensait pas que ça ferait, même s'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne se connaissent toujours pas, mais on pensait pas que ça ferait le tour comme ça, nos vidéos, parce qu'on a fait plusieurs millions de vues. Elles sont drôles. Et donc, c'est un outil de travail pour moi, les réseaux sociaux. Voilà. Cool. Obligé. Donc, Insta, Facebook, TikTok, il y a autre chose ? Je sais pas s'il y a des autres trucs qui existent. N'hésite pas à donner les noms, si on veut te rejoindre sur ces réseaux. Sur Instagram et Facebook c'est privé, mais Instagram mon compte est public et c'est Tristan Mangeot. Et sur TikTok, c'est Les Tentants. Sachant que j'ai un projet pour moi, perso, de faire des petites vidéos récurrentes comme on trouve très souvent dans TikTok, justement jouer sur les silences. Mais je suis en train de réfléchir là-dessus quand j'aurai un peu plus le temps, quoi. Ça mature. Voilà. Ça mature, ouais. Ok, très bien. J'ai failli mourir. De honte. Ah, ouais, y a un petit. J'ai cru un que. Petit silence. Sinon, je peux vous parler. Hein, le jour où j'ai failli mourir aussi. Hein. Voilà. C'était pas loin d'ici. Bah, il y avait un terrain vague ici. J'étais avec un pédophile. J'avais 5 ans. Voilà. Et tu t'en souviens? Ah bah oui. Oh, 5 ans. Après oui, c'est ouais, un non, peu trop bas. Si, enfin 5-7 ans, mais. Ouais, bah plutôt de... ouais, plus autre chose. Peu... Hein. Ah, plus voilà, voilà. Mais c'est rien passé, hein, c'est rien passé. Ouais. Hein, mais voilà. Bref, alors, ma plus grosse honte, bah, celle que j'aime bien raconter, c'est j'avais quoi? J'avais 10 ans, un truc comme ça. J'étais avec mon frère qui a. Oh non, j'avais pas 10 ans alors. Je dois avoir 8 ans et mon frère 16 ans. Et on était dans une maison. Comment on appelle ça? Dans les Vosges. Une... Chalet? Bah c'est chez des gens, enfin c'était une chambre d'hôte et qui faisait aussi maison familiale, ouais voilà. Et on était donc on était hébergé avec mon frère une semaine. C'était chez les Divous d'ailleurs, c'était au Tio. Et il y avait un cheptel de chèvres, de chevaux, etc. Enfin on était bien dans la campagne. Et puis un soir il fallait qu'on libère les chambres parce qu'ils avaient du monde à recevoir. Et donc on est parti bivouaquer dans un chalet, un refuge. C'était en quelle saison? Ah, l'été. Okay, l'été. Ça va. Et donc on va, d'ailleurs il y avait des scouts avec nous, on va bivouaquer dans ce refuge. Et puis le lendemain matin, on revient à la chambre d'hôte, quoi, voilà. Et le lendemain matin, j'avais très très très envie de faire caca. C'est fou. C'est fou, hein. On va dire pourquoi c'est fou après. Mais vas-y. Ah bon, d'accord, vas-y, ok. Et donc on revient en randonnant, et puis bon bah... Plus tu marches, voilà. Et les 500 derniers mètres, je vois le gîte au loin, donc je cours et je vais aux toilettes, quoi. Et donc je vais aux toilettes et je fais caca et je trouve ça pas normal que je sente encore mon caca. J'avais pas relevé le couvercle, en fait, si tu veux. Et donc, mais alors je me suis pas écrasé dessus non plus, hein. Mais parce que j'ai commencé à faire, alors que tellement j'avais envie que j'étais encore presque debout, et je m'asseyais et je me disais, mais il me lâche jamais, quoi, tu vois. Et alors, et donc je voilà, bon, je me suis quand même, et puis je laisse ce caca-là en monument, quoi, tu vois, dessus, et je vais voir la dame, la propriétaire, en fait, qui est à la cuisine, parce que c'est le moment de midi, et ils font maison d'hôte, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des gens à manger. Et puis c'est en mode les produits locaux, des trucs comme ça, quoi. Et donc je explique à la dame qui est en cuisine ce que j'ai fait. Du haut de tes 8 ans. Du haut de mes 8 ans. Pardonnable. Voilà. Et je tourne la tête à gauche et là je vois tous les gens qui sont à table, qui sont en train de me regarder, qui mangent et qui sont en train de me regarder. À écouter mon histoire. Ils sont tous français, ils ont tous très bien compris. Oh bah j'imagine. Alors ça je me rappelle plus, mais j'imagine, ouais. Voilà. Et donc alors bon, pour terminer, elle me dit tiens, tu prends la pelle et puis tu amènes ça dehors. Tu ramasses ta crotte. Et j'y vais et impossible, j'avais trop envie de vomir avec l'odeur et donc je revais la voir et je lui dis je peux pas, je vais vomir. Donc elle était super heureuse alors qu'elle était en cuisine ouais. De tout poser et d'aller enlever mon caca. On la remercie cette dame. Parce que ouais, madame, dis-vous. T'étais sans parents en ce moment? Ouais, c'était juste moi avec mon frère. Okay. Mais j'en ai fait d'autres, des crasses, enfin j'aurais pas le temps. Mais sans le faire exprès, quoi. Est-ce que ton frère continue de t'humilier avec cette histoire? Non, il a non. Pas raconté c'est ça quoi pas je sais même pas s'il quoi. S'en rappelle ou s'il est même au courant, parce que lui, il était encore en train de randonner. Moi, j'ai fini les 500 mètres en courant, donc j'ai laissé le groupe. Le temps hein. de revenir de... Ouais, bah peut-être, ouais. Mais non, il m'en a pas parlé. Voilà, il va, de toute façon, tu le dis à la radio, maintenant tu le sais. Voilà, c'est ça, ouais. Et pourquoi on a réagi ouais. D'ailleurs, parce que Valentin, qui était l'invité de notre première émission, c'est une histoire qui est un peu... C'est une histoire de caca aussi, quand il était petit. Ouais. On est la première émission scato de la radio française. Allez. Deux invités, deux histoires de caca. Caca Jet. Merci beaucoup, hein. Coup de théâtre sur Fadjet. C'est l'instant promo de notre invité. Ah oui, d'accord. Donc si tu as des spectacles, des choses que tu fais, des endroits où on peut aller te voir, te soutenir, t'encourager, t'admirer, pour certains, eh bien c'est le moment de nous raconter tout ça. Allez, alors là pour les dates des temps, on n'en a plus avant... janvier, en plus dans les coins lignés en Barrois, c'est Jonathan qui s'en occupait, je sais pas où c'est. Donc je pourrais pas dire, voilà. Et je sais même pas quand est-ce qu'on revient à Nancy d'ailleurs, avec les tentants, enfin dans le secteur. Et parce qu'il va falloir qu'on loue des salles, etc. Mais pour moi, en seul en scène, je fais le BBC mardi prochain. Je sais pas quand est-ce que. Je pense que ça pendant l'émission. Peut-être. Sinon, on peut parler de la scène ouverte où tu m'invites. Oui, c'est ça. Le Stand-up Comedy Club, donc nouvelle scène ouverte qu'on a ouverte avec Jérémy, un collègue improvisateur. C'est au Shamrock Café, rue Saint-Julien à Nancy. Et donc, on accueille quatre humoristes qui font, pareil, hein, 10-12 minutes. Et oui, tu es l'un de ces invités. Et voilà, et c'est un lundi... Et quelle date ? Ouais, c'est 11, le 10... lundi 11 décembre, 11. Ça commence à 19h30. D'accord. Et tu es l'un des quatre, et on est ravis de te recevoir. Et voilà, c'est cool. Merci de m'accueillir. Et voilà, et puis après... Moi j'avais une question, le stand-up, c'est complètement écrit, il y a zéro impro ? Ouais, zéro impro, tant que je ne suis pas acclimaté à ça, c'est vraiment différent du sketch, de l'impro. Je me l'interdis pour l'instant. Non. T'as pas eu l'occasion de réagir à des réactions justement du public. Tu t'empêches de réagir du coup. Si je joue un chouïa, mais je le tire pas en longueur, je devrais. Hein, je devrais. Mais c'est pas forcément mon kiff et je veux pas trop aller dans le cliché de ça. Mm-hmm. Et encore une fois, j'apprends. Moi, j'ai fait deux scènes. J'en ai fait une à la Plantation. Je me suis bien ramassé. C'était mon premier stand-up. Et c'est bien, c'est formateur. Et puis, et là, en fait, tu vois, je l'ai fait au BBC la deuxième fois. Et je me suis retrouvé là-dedans. Et je discutais avec le patron, Cédric. Et il me dit, tu vois, ils sont super sympas, les clients. Tout ce qui est blague de cul, etc. Ils adorent. Et là, je réfléchis au texte que j'ai écrit. Je me suis dit, ah, ok. Bon. Rien à voir. Mais tu en as fait deux. T'as fait deux fois un long format parce que. Non. Un sketch. Mais tu avais joué le close-up aussi. Tu dis tu en as fait deux. Le close-up, au c'était BBC, pas du sketch. Ah, t'en as fait deux au BBC. C'était pas du. Ouais, BBC, j'en ai fait une au BBC, une à la Plantation. Ah, au close-up, c'était pas du stand-up set. Tu dis c'était du sketch. C'était du sketch. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était avec les tentants. Non, tu l'as. Ah oui, non, oui, avec oui. nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'avais emporté avec. Voilà, mais. De logique d'ailleurs. Mais non, là c'était du sketch. Et justement, une fois j'ai fait ce sketch-là à la Plantation et je me suis. J'ai compris après que non, il y a des endroits qui sont faits pour le sketch, des endroits qui sont faits pour le stand-up. Bah, je crois, ouais. Voilà. Ah ouais, ok, tu arrives à. Ah bah clairement, dans un bar. Tu vas pas faire du sketch. Parce que tout ce qui est nuance, tout ce qui est détail, etc., c'est pas capté du tout parce que t'as un bruit de fond, parce que t'as. Non, il faut que ça soit punchy. Et puis t'as aussi des endroits, je dirais moi, et Julie peut en témoigner, qui sont faits pour aller faire de l'humour et d'autres moins. Enfin, nous, on a fait deux scènes. On a fait deux scènes où c'était vraiment que du. C'était du talent show, donc il y avait que nous en humour et il y avait de la danse, de la musique, tout ça. Ah ouais. Et les gens, ils étaient tout venus pour l'humour, ouais, à Raon. Que tu avais fait l'année d'avant, je crois. Ouais. Et ailleurs dans les Vosges, je ne sais plus. Mm-hmm. Et les deux fois, c'était un peu plus compliqué que si on joue effectivement à la Planta, où là, en général, le public est très. Ouais, très les gens, chauffé. ils viennent voir du stand-up, donc en fait, ils sont habitués à ça, et du coup, c'est beaucoup plus. Les sentir dans l'empathie. Hein. Et puis, c'est peut-être aussi des gens plus jeunes qui ont l'habitude de aussi. Regarder du stand-up sur les réseaux et qui ont le rire. Assez facile, je dirais. Mais vraiment, la dernière fois, quand je l'ai fait au BBC, avant, juste une demi-heure avant, je me dis, bon, allez, je le fais, puis après, j'arrête. De toute façon, les tentants, ça marche bien, l'acting, ça commence à démarrer. Ouais, cool. C'est déjà bien, enfin, j'arrête, je fais pas du tout ça parce que ça va pas aller. Puis au final, ça s'est très bien passé, et puis je me dis, bon, bah, allez. Oui. Et ton objectif, là, c'est d'avoir une heure pour 2024 ? Ah ouais. Et t'aurais des endroits pour le jouer ou pour l'instant? Pour l'instant, tant que. Je pense que je vais voir Johan Louis à Pichon pour caler une date à partir de la rentrée 2024. Comme ça me met une deadline. Et... Parce que Romain, il fait un 30-30 à la Planta, ça peut être un bon début, non? Ça peut être un bon début aussi. Effectivement, faut que je vois. Ok. Voilà. Cool. Mais ça sera un mélange de stand-up et de sketch, du coup. Ouais, mais c'est cool. Voilà. C'est bien. Et en impro, t'as de la promo? Parce que tu fais partie d'une... Ah, avec Cécile et ses drôles de dames, oui, bien sûr. Oh, vous là, avez là, la je suis bête. Stan Cup bientôt, non? On a la Stan Cup bientôt, c'est le 15 décembre, merci, oui. Le vendredi 15 décembre, à la MJC Pichon, où on joue contre les Impromptus, c'est ça? Mm-hmm. Voilà. Et sinon, si vous êtes sur Lunéville à la médiathèque le vendredi 8 décembre, À 19h30, on reçoit deux membres de la FBIA, qui est l'équipe nationale de Belgique. Ça fait peur. Que connaît Mathilde. Et là, ouais, on est super content de les avoir. C'est du high level. Et on passera un bon moment. Donc, c'est entrée gratuite et c'est sorti au chapeau. Donc, vous prenez aucun risque. Si vous n'aimez pas, vous ne mettez rien dans le chapeau. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On fait la dernière petite pause musicale. Allez. Et tu nous expliques ensuite pourquoi. Ouais. Pourquoi ça ? Bon. Je me suis trompé, on recommence. Allez. Sur tes max, le rétro gauche nique ma Rolex. J'suis tellement une moula qu'elle veut que je la casse. 5 pistes que je nique le game, putain le temps passe. Comme choix ? Ouais, ah, pas du tout. Le gars nous a. Vous l'avez pas ? Si ! Non, ah. mais pourquoi j'ai pris ce choix-là ? Ah non. Vous l'avez pas ? D'accord. Pas du tout. J'ai pas réfléchi. Avec les Tantans, on a fait une parodie de la Moulaga. Ah, d'accord. Mais oui ! Voilà, et donc on a fait un. Ça s'appelait le Primolstein. Donnez-moi une Primolstein. Alors là, les citadins ne savent pas ce que c'est qu'une Primolstein. La Primolstein, c'est la vache noire et blanc que tout le monde voit. Hein. C'est la vache laitière. Et donc, ça faisait longtemps. On avait enregistré cette chanson-là en autotune chez Rewan, qui malheureusement est décédé depuis. Mm-hmm. Et on s'est dit, merde, ça fait un an qu'on l'a. Là, j'ai un copain qui me dit, qui est venu me voir en spectacle, qui est réalisateur. Quand vous voulez, je vous fais un truc. Et bah, ça tombe bien, on a ça dans les tuyaux, quoi. Et donc, nous voilà partis chez des copains, la ferme Mon Plaisir à Forcelles-Saint-Gorgon, que je vous conseille parce qu'ils font des super tomes. Et d'ailleurs, c'est dans leur laboratoire qu'on a filmé une partie de ce clip. Et puis entre TikTok, tu vois, je te parlais tout à l'heure de TikTok et puis Facebook, on n'est pas loin du million de vues. Donc c'était un bon moment déjà à faire, on était contents du résultat. Oh, il n'y a pas le café à Mon Plaisir, il y a aussi chez à Tully aux Groseilles, je ne me rappelle plus le nom de la ferme, mais c'est David Abraham, le patron, et qui fait du très bon cochon, qui vit en extérieur, ce cochon-là. D'ailleurs, on voit sur le clip des cochons qui vivent en extérieur, c'est assez rare pour le mentionner. Voilà le choix. Bah, merci beaucoup. Oh, bah, de rien. Rodolphe, est-ce que tu veux nous parler de spectacle d'impro, de théâtre qui serait bientôt sur Nancy ? Tout à fait, on parlait du close-up tout à l'heure. La prochaine édition a lieu le 8 décembre. Le close-up, c'est une scène ouverte où il y a 6 humoristes. Et où on peut aussi manger à l'entracte. Donc tout est compris dans le tarif d'entrée. Et c'est à la MJC Pichon. Il y a également Aphrodisiac qui a une soirée de spectacles le 16 décembre. C'est deux spectacles qui reprennent. Ce sont des improvisations sur des enquêtes criminelles. Et puis il y a les Poissons Rouges qui jouent le 22 décembre, toujours à Pichon. Hein, ces trois événements ont lieu à Pichon. Un spectacle qui s'appelle Comme de par hasard sur la théorie du complot. Et puis, comme toujours avec les Poissons Rouges, en deuxième partie, il y a une jam session, c'est-à-dire le public peut monter sur scène pour faire de l'impro. Okay. Et on a deux invités pour ce spectacle. Exactement, on a Christophe et Virginie qui viennent du Minou à Metz. Ah oui, ok. Très bien. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. On va te remercier, Tristan. Est-ce que tu aurais, juste avant de partir, une recommandation culturelle, vraiment ce que tu veux, série, là, livre, sur le dernier moment, film. Ouais. Sur le dernier moment, un truc que je viens de regarder et je suis toujours scotché et je pense que je vais la regarder, cette série-là, c'est une série en 6 épisodes qui est sur Prime Video, qui s'appelle D-Therapy. Okay. Comme c'est allemand. Ah ouais, on a compris ta passion. Ouais, voilà. Et c'est vraiment, c'est tiré d'un best-seller allemand. Et ils prennent. Alors, je vous conseille de regarder au moins deux épisodes, parce que le premier épisode, il pose tout le décor. C'est un monsieur qui a perdu sa femme et sa fille ont disparu. Voilà, et il essaie de se reconstruire dans sa. C'est un neurologue, je pense, le mec, c'est un médecin neurologue. Et il se reconstruit un peu dans sa maison de campagne. Et il reçoit la visite d'une dame qui, manifestement, a des renseignements. Et donc, j'imagine qu'on le trouve plutôt en français sur Prime. La thérapie. Non, en allemand. C'est DIE, thérapie, c'est comme en français. Ils ont gardé le titre allemand. On dit thérapie comme en français en Allemagne. Et voilà. C'est sous-titré. Oui, c'est tout titré, mais on peut le voir en français aussi. Hein. Toi, t'es bilingue allemand ? Non. Okay. J'apprends sur Duolingo. Ok. Tu vois, et je commence à me débrouiller, à comprendre quelques phrases qu'ils disent, parce que en plus, comme ils parlent pas rapidement dans cette série-là, c'est cool. Mais non, okay. Plus t'avances dans la série, plus t'es scotché. Et les deux derniers épisodes, c'est 6 fois 45 minutes, donc ça va assez vite. J'aime bien cet univers-là, non ? Et de quoi ? Enquête, suspicion. J'y allais parce que l'acteur principal, c'est un acteur qui jouait dans Dark, qui est une autre série allemande, et que j'adorais. Et c'est pour ça. Et non, mais le dernier épisode, c'est un truc de malade. Moi, les seules séries allemandes que j'ai en référence, c'est vraiment pas Derek, des. Ouais, voilà, c'est vraiment pas. Alors, des Saint-Lisa. C'est vraiment pas des trucs cool. Dark, je l'ai vu également. J'ai eu du mal quand même sur la fin. D'accord. Toi, mais je l'ai regardé, c'était à l'époque quand j'étais avec mon ex-femme. Et à des moments, on se disait, attends, c'est qui lui déjà ? Ouais, ah oui, oui, voilà. Oui, parce que, oui. Mais j'ai adoré. Mais j'ai adoré tout le début, puis la fin, je suis allé au bout en me disant, bon, faut quand même aller au bout pour savoir le dénouement, mais j'ai eu du mal. Mais je vais aller voir Die Therapie. Ouais, et j'ai la chance la semaine prochaine de jouer avec un acteur qui joue dans Dark. Voilà. Oh là là, est-ce qu'il a le temps de dormir ? C'est la première fois que je jouerai en anglais d'ailleurs. C'est un court-métrage international. Ok. Bon. Très bien. Bah, merci pour cette recommandation. Rodolphe, merci pour ce moment. Oh, oui, merci à toi, Julia. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux. On te retrouve dans l'émission sur Fadjet qui s'appelle La matinale de 18h. Matinale de 18h. Jeudi prochain. Et également sur une matinale. La matinale, ouais, le lundi matin à 7h du matin. La matinale, vraiment matinale. Ah ouais, vraiment matinale, ouais. Ah ouais. Eh bien, merci à tous. Merci à tous. Et à très bientôt. Salut, bonne journée. Des bisous, ciao. Bonne soirée, bonne nuit.